Traverser la Méditerranée, pour peu que l'on voyage confortablement, ce sont des heures de rêve, des nuits à contempler les étoiles, pourvu que le temps soit favorable et pourvu que l'on ne soit pas en pleine guerre. En 1942, la Corse est déjà l'île de beauté. Mais beaucoup de ses habitants, corses ou continentaux, n'ont guère le temps de faire du tourisme. Pour eux, le problème principal est « que va-t-on trouver à manger ?» La famille du maréchal des logis Antoine Carmineau est comme toutes les familles de l'île, ou presque. Le père est gendarme, ce qui ne lui laisse pas le temps d'entretenir un jardin potager. Où planterait-il d'ailleurs des choux ? La mère, Julienne, a fort affaire avec ses deux garçons. Il y a Sébastien, 5 ans, qui promet d'être turbulent. Le père dit « il faudra lui faire faire du sport, ça le calmerait un peu ». T'as raison, Antoine, c'est déjà un vrai casse-cou. Dès que j'ai le dos tourné, il grimpe partout au risque de se tuer. Édouard, le second, sera peut-être aussi un casse-cou. Pour l'instant, il se contente de jeter à travers la pièce tout ce qui lui tombe sous la main. Julienne, au fil des mois, se désespère. J'arrive plus à trouver à manger, c'est une catastrophe. Les garçons ont besoin d'une nourriture abondante, sinon ils risquent de se retrouver avec des problèmes de croissance, une déficience, des scolioses, enfin que sais-je. Antoine Carmineau approuve d'un mouvement de la tête. Ah, si j'avais su, je vous aurais envoyé en Tunisie, à Sousse, chez ma tante Yolande. Là, ils auraient ce qu'il faut pour pousser correctement. Et toi aussi, ma pauvre Julienne, je te trouve l'air un peu amaigri. Avec tout ce que tu as à faire, tu vas pas tenir le coup, hein. Pour peu que la guerre dure encore quelques mois. Quelques mois. Antoine Carmineau ne se doute pas de ce qui attend la Corse et la France tout entière. L'été suivant, Antoine prend une décision. Il y a un bateau qui part pour la Tunisie. Ce sera peut-être le dernier. Alors j'hésite plus, hein. Je vous envoie tous les trois là-bas. De toute manière, on ne peut pas continuer à vivre à l'hôtel avec tous nos meubles au garde-meubles. Autant que tu t'installes à Sousse avec toutes nos affaires. Vous y serez plus en sécurité qu'ici. Ah oui, mais si les Italiens sont méchants. Italiens, Italiens, quand on s'appelle Carmineau, hein, tu trouves pas que ça fait un petit peu italien ? Julienne est heureuse de pouvoir mettre ses garçons à l'abri. Mais elle est triste de se séparer de son mari. Ils allaient fêter leurs 10 ans de mariage. Tu me donneras des nouvelles, chérie, le plus souvent possible. Hein. Je serai morte d'inquiétude tant que nous serons séparés. Mais oui, t'inquiète pas. D'abord, vous voyagez sur le Madame Mère. Départ dans un mois. J'ai déjà pris des dispositions pour que vous partiez avec tous nos meubles. Madame Mère ? Tiens, c'est curieux. Le même nom que notre hôtel. Mais Julienne trouve que c'est une bonne décision. Sébastien accueille les nouvelles du voyage avec bonne humeur. Oh, on va aller chez Tante Yolande, on va jouer avec nos cousins, on montera sur des chameaux, on verra des lions. Une semaine avant la date prévue pour le départ, Julienne ressent une angoisse soudaine. Elle perd l'appétit, elle ne dort plus. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie ? C'est le voyage qui t'inquiète ? Oui, je sais pas, j'ai comme un pressentiment. Quel pressentiment ? Ben, je sais pas. J'ai l'impression que ce bateau n'arrivera pas à Tunis. J'ai l'impression qu'il va faire naufrage. Enfin, pourquoi ? Il a toutes les autorisations. De plus, il ne sera rempli que de civils. Pourquoi craindrait-il quelque chose ? Mais j'en sais rien. C'est plus fort que moi. Je sais que Madame Mère va couler. Non, je ne veux pas monter sur ce bateau avec nos garçons. Sinon, tu ne nous reverras jamais. Antoine Carmineau est bien embarrassé. Julienne ne l'a pas habitué à des caprices, mais aujourd'hui, elle a l'air tout à fait terrorisée, hein. Elle fait une crise de nerfs. Antoine, écoute-moi, je t'en supplie, annule ce voyage. Antoine se dit, si je refuse, si je les mets sur le Madame Mère et si le navire coule, s'ils disparaissent, je ne pourrai jamais le pardonner. Mais les choses sont déjà très avancées. Enfin, je suis désolé, mais les meubles, ils sont déjà au fond de la cale du Madame Mère. Impossible de les faire débarquer. Ils voyageront par le Madame Mère. Et on les retrouvera à Tunis. En tout cas, les enfants et moi, nous attendrons une meilleure occasion. Alors, à la date prévue, le Madame Mère apparaît, les ponts sont noirs de monde. Il y a même la femme du préfet d'Ajaccio et sa fille, des familles entières, qui espèrent trouver un refuge de l'autre côté de la Méditerranée. Quand on apprend 2 jours plus tard que le Madame Mère a coulé corps et bien entre Corse et Sardaigne, après avoir heurté une mine, c'est la consternation. Il n'y a pratiquement pas de survivants. Enfin si, une dizaine de personnes. Des durs à cuire, si l'on peut dire. Ce sont pratiquement tous des bagnards qu'on transférait à Tunis. Le commandant a eu juste le temps de les faire libérer de leur chaîne. Comme quoi, quand Dieu décide que ce n'est pas votre jour, c'est pas votre jour. Les bagnards survivants racontent que la femme du préfet a surnagé quelques heures aidée par sa fille, une excellente nageuse, mais les secours n'ont pas pu les sauver. Elles ont coulé toutes les deux. Pourtant, un bagnard verra son destin changer après ce naufrage. En se débattant dans l'eau, il est passé à proximité d'un gamin à peine vieux de 6 ans qui flottait Dieu sait pourquoi. Le bagnard a attrapé le gamin et pendant 5 heures, il a nagé avec le petit garçon entre les bras, jusqu'à ce qu'on les fasse monter à bord d'un bateau de pêche. Quelques mois plus tard, le bagnard retrouvait la liberté. Pétain venait de le gracier pour le sauvetage du petit garçon. Antoine Carmino est bien obligé de reconnaître les dons de voyance, en tout cas les dons d'intuition féminine de son épouse. Ils ont eu chaud. Si elle n'avait pas insisté contre toute logique pour ne pas monter à bord du Madame Mère, Antoine pourrait sans doute pleurer la perte de toute sa famille. Oh, Julienne est le triomphe modeste. Tu vois, est-ce que je n'avais pas eu raison de rester ici ? Oui, oui, chérie, tu as eu raison. Mais c'est quand même dommage que tu ne te sois pas réveillée un peu plus tôt. Si tu m'avais convaincu 10 jours avant, j'aurais pu récupérer tous nos meubles et nos affaires personnelles. Il va falloir tout racheter. Oh, t'es bien un homme. Jamais content. Si ça se trouve, tu aurais préféré récupérer les meubles et nous laisser partir sur ton rafio. En tout cas, pour l'instant, la famille Carmino a retrouvé son hôtel d'Ajaccio. Julienne aime moins cet hôtel à cause du nom, Madame May. Hein ? S'il allait s'écrouler. Bah oui, on sait jamais. Un tremblement de terre inattendu. Maintenant que nous avons décidé de rejoindre ta tante Yolande, j'ai hâte de partir. Dès que tu entendras parler d'une occasion, même un autre bateau, ou alors même un avion. Hein. Effectivement, quelques semaines plus tard, Antoine arrive avec des nouvelles. Un avion va décoller pour la Tunisie dans 4 jours. Quelques officiers, et on fera le plein avec des civils. Des familles de militaires qui voudraient rejoindre Tunis. Je vous ai fait réserver 3 places. T'es toujours d'accord ? Mais oui, ça sera mieux pour les enfants. Pas d'intuition négative cette fois-ci ? Ça ne te fait pas peur de quitter le plancher des vaches ? Non, non ! Pour l'instant, je me sens calme. Après tout, ce ne sont que quelques heures de vol. Un vol sans escale, je suppose. Oui, oui, ma chérie. Ça me fait un drôle d'effet de penser que dans 8 jours, vous allez vous envoler. Ah, c'est moi qui flanche un peu. Je me demande quand nous allons être réunis. Pas de réponse à cette question, Julienne prévient Sébastien et Édouard. On va monter dans un gros oiseau de fer, et hop, on va retrouver la tante Yolande et les cousins de Tunis. Le jour du départ fait un temps magnifique. Antoine reste un long moment à regarder l'avion qui emporte sa femme et ses fils. Le soleil brille, le ciel est sans nuages, tout ressemble au présage d'un vol sans histoire. Au moment où l'avion passe au-dessus de la Sardaigne, Julienne est déjà occupée à maîtriser Sébastien. À peine l'avion a-t-il décollé que le gamin a détaché sa ceinture et qu'il s'est précipité vers le poste de pilotage en hurlant « Je veux conduire l'avion, je veux conduire l'avion !» Julienne est en train de le rattraper par son pullover quand l'avion fait une embardée et commence à perdre de l'altitude. Julienne n'a pas le temps de dire le moindre mot. Elle va heurter le plafond de l'appareil avec une violence inouïe. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Presque tous les passagers avaient détaché leur ceinture. Ça ne pardonne pas quand un avion tombe dans un trou d'air. L'avion continue sa chute vertigineuse. Julienne, cramponnée à Sébastien, se dit « Eh bien, ça n'était pas la peine d'échapper au naufrage. Maintenant, on va s'écraser. Et là, nous n'avons aucune chance de nous en sortir. » L'avion continue à tomber. Dans la cabine, les deux pilotes n'ont pas la force de dire un seul mot. Ils sont cramponnés aux commandes. Le navigateur, lui aussi, est muet d'horreur. Le commandant murmure pour lui-même « Oh la vache, tu vas réagir, espèce de saloperie !» Et apparemment, l'appareil, vexé qu'on lui parle ainsi, consent enfin à reprendre un vol normal. Il est à moins de 1000 mètres du sol. À l'arrivée en Tunisie, tous les passagers doivent être conduits à l'hôpital pour des fractures et contusions diverses. Seul Édouard, resté attaché à son siège, est indemne. Mais voyez-vous, Julienne ne reverra jamais son mari. Antoine, quelques mois plus tard, sera froidement abattu par les troupes allemandes.